إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous allons terminer aujourd'hui, inshallah ta'ala, la lecture du conseil de Sofiane al-Thawri à Abbad ibn Abbad, rahimahum Allah ta'ala. Et avant de continuer la lecture, j'aimerais revenir sur un point que nous avons vu dans le cours d'hier et qui concerne la mise en garde de Sofiane, rahimahullah ta'ala, contre le fait que la personne aime que sa parole soit mise en pratique et diffusée. Et nous avons vu à ce sujet comment nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, avaient conscience de la responsabilité de voir ses paroles propagées. Et c'est pour cette raison qu'ils ne recherchaient pas cela. Toutefois, un de nos frères nous a fait remarquer hier que lorsqu'une personne propage le bien, il est naturel qu'elle se réjouisse de voir les gens suivre ce bien auquel elle a appelé. Et il est vrai que ceci est confirmé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith authentique à Ali radiyallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide par ta cause un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chameaux, qui était l'une des plus grandes richesses que possédaient les gens à cette époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit dans le hadith que celui qui indique un bien obtient la récompense de celui qui le suit. Et on réunit entre ces deux questions en disant qu'il est légitime pour la personne de chercher à propager le bien et de se réjouir de voir le bien se propager par sa cause. Toutefois, ce qui est blâmable serait de réprouver, de voir ce même bien se propager par la cause d'une autre personne. Et c'est contre cela que Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, a mis en garde ici. Que la personne, son objectif doit être de voir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala se propager, et ne pas chercher que ce soit absolument par sa parole. Si c'est par sa parole, alors ceci est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Mais si c'est par la parole d'un autre, alors elle doit tout de même se réjouir de voir le bien se propager. Ensuite, Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, a averti Abbad ibn Abbad contre certains troubles qui se produisent à la fin des temps. Et il lui a dit, « وَقَالَ حُذَيْفَةَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٍ يُعْرَضُ الرَّجُلُ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلَا يَدْرِي أَيَّهُمَا يَرْكَبْ » Hudhayfa a dit, c'est-à-dire Hudhayfa ibn al-Yaman, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Il viendra aux gens une époque où l'homme sera exposé au bien et au mal, et il ne saura pas lequel des deux emprunter. » En raison du grand nombre d'ambiguïtés, de la diffusion de l'ignorance, du manque de science et de clairvoyance, il n'arrivera pas à distinguer le bien du mal, ni le faux de la vérité. Au point que si on le présente au bien et au mal, il ne les distingue pas et ne sait pas lequel des deux emprunter. Donc ceci nous montre la nécessité pour chacun d'entre nous d'apprendre la science religieuse et de faire des efforts sur ce chemin. Tu ne dois pas te satisfaire de ton ignorance de la religion. Ne pense pas qu'il suffit de t'affilier à l'islam et de t'affilier à la sunna pour être sauvé des troubles. Ne pense pas qu'il suffit d'avoir des livres dans ta bibliothèque et des cours audio dans ton téléphone ou dans ton ordinateur pour être sauvé lorsque tu seras éprouvé. Tu n'auras pas toujours une personne de science vers qui revenir et interroger. Donc tu as besoin d'apprendre la science religieuse. Cette science qui te permettra d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et qui te permettra bi'idhnillahi ta'ala de distinguer le faux de la vérité, de distinguer le bien du mal et de savoir quel est le droit chemin à emprunter. Ensuite, Sofiane, rahimahullah ta'ala, a mentionné d'autres textes, attirant notre attention sur la description de ce qui se produira à ce moment. Et il dit « وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ » Et il a été mentionné ou il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici qu'il n'affirme pas formellement que la parole qu'il va citer a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et telle est la manière des savants de mentionner certains hadiths ou certains athars desquels ils n'ont pas la certitude de l'authenticité. Ils ne disent pas « il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais il dit plutôt, on rapporte, on dit que, il est mentionné que, afin de faire comprendre au lecteur ou à l'auditeur que cette parole n'est pas forcément authentique. Et ce hadith qu'il a cité, en ces termes, il n'est pas confirmé. Toutefois, ce qui est mentionné dans ce hadith est confirmé dans d'autres textes. Il a donc dit, وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Et on mentionne du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aurait dit « La tazalu yadullahi ala hadihi l'ummah, wa fi kanafihi, wa fi jiwarihi, wa janahi. Allah ne cessera de secourir cette communauté. Elle ne cessera d'être sous sa protection, son aide et son assistance. Ma lam yamil » قُرَّاؤُهُمْ إِلَىٰ أُمَرَائِهِمْ Tant que leurs lecteurs n'auront pas de penchant pour leurs dirigeants. On a vu hier que les lecteurs, cela désigne les savants. وَمَا لَمْ يَبَرَّ خِيَارُهُمْ أَشْرَارَهُمْ Et tant que les meilleurs d'entre eux n'auront pas d'égard pour les pires d'entre eux. وَمَا لَمْ يُعَظِّمْ أَبْرَارُهُمْ فُجَّارَهُمْ Et tant que les vertueux parmi eux ne révéreront pas les pervers, ne révéreront pas les corrupteurs. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ رَفَعَهَا عَنْهُمْ S'ils font cela, Allah cessera de les secourir. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ Et il placera dans leur cœur la peur. وَأَنْزَلَ بِهِمُ الْفَاقَ Et il fera descendre sur eux la pauvreté. L'indigence. وَصَلَّتَ عَلَيْهِمْ جَبَابِرَتَهُمْ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ Et il fera dominer sur eux leurs tyrans qui leur infligeront les pires souffrances. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, dit ensuite وَقَالَ حُذَيْفَةَ Hudhayfa a dit إِذَا كَانَ ذَلِكَ لَا يَأْتِيهِمْ أَمْرٌ يَضِجُّونَ مِنْهُ إِلَّا أَرْدَفَهُمْ بِآخَرْ يُشْخِرُهُمْ Et lorsqu'il en sera ainsi, ils ne seront pas affligés par une chose, c'est-à-dire par une difficulté, par une épreuve, sans qu'elle ne soit suivie par une autre qui les détournera de la première, car elle sera encore plus difficile. Et ils ne cesseront d'être éprouvés, épreuve après épreuve, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc même si ce hadith n'est pas confirmé en ces termes, on voit que son sens est présent dans d'autres textes du Coran et de la Sunna. Car la communauté de l'islam ne cessera d'être sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les préservera et il les assistera tant que ceux-ci persévéreront dans le secours de sa religion. In tansurullah yansurkum. Si vous secourez Allah, c'est-à-dire si vous secourez la religion d'Allah, que vous mettez en pratique la religion d'Allah, que vous négligez pas la religion d'Allah, Allah vous fera triompher. Allah vous accordera son secours. Allah vous préservera. Mais si nous négligeons la religion d'Allah, que nous négligeons son livre, que nous négligeons la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous négligeons la législation de l'islam, alors dans cette situation, les gens encourent l'humiliation, l'avilissement et la perdition, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc on voit ici, dans ce hadith, des signes distinctifs de la négligence de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier est le fait que les lecteurs, c'est-à-dire les savants, aient un penchant pour les dirigeants. Et il y a en cela la corruption de la religion et la perte de la science. Car si les savants deviennent des suiveurs des dirigeants. Alors ils risquent de les suivre dans leurs passions et dans leurs désirs, puis en venir à cacher la vérité et à altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième signe est que les meilleurs de cette communauté aient de l'égard pour les pires et les plus mauvais. Et les meilleurs de cette communauté, ce sont qui? Ce sont les savants et les adorateurs. C'est par eux que la religion est établie. Donc si leur situation change, et que les savants et les adorateurs, et les meilleurs des hommes de cette communauté, se mettent à avoir de l'égard pour les pervers et les corrupteurs, alors ceci est un signe que la religion a été négligée. Car les gens ne sont plus respectés en fonction des bonnes valeurs. En effet, on a vu dans un cours précédent que la personne doit être honorée et respectée en fonction de sa religiosité. Donc si les gens se mettent à avoir de l'égard pour les pervers et pour les corrupteurs, ceci nous indique qu'ils négligent la religion et qu'ils négligent ce point, et qu'ils ont remplacé le respect de la religion par la recherche des biens vils de ce bas monde, wal'iyad billah. Et c'est pour cela que le troisième signe est que les vertueux se mettent à révérer les pervers et les corrupteurs. Et telle est la situation aujourd'hui. On voit des personnes s'affilier à la science, à la prédication, à la piété, avoir de l'estime pour des gens pervers et corrupteurs. Comme en mentionnant bien certaines célébrités parmi les sportifs, les chanteurs ou je ne sais quoi, sous prétexte qu'ils auraient fait une bonne action, alors qu'ils sont parmi les gens les plus pervers. Les savants ne sont plus honorés. Les savants ne sont plus respectés. Pour beaucoup, ils sont inconnus et ils ne savent pas les distinguer des ignorants et de ceux qui s'assimilent aux savants alors qu'ils n'en font pas partie. Et les gens qui sont révérés, c'est qui? Les chanteurs, les footballeurs, les danseurs ou je ne sais quoi. Et ça, c'est un signe de la négligence et du délaissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ces choses sont présentes, alors Allah subhanahu wa ta'ala châtie la communauté par différentes sortes de châtiments. Premièrement, il les prive de sa protection et de son assistance. Et ceci suffit comme châtiment et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Car sans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait aucun doute que nous courons à notre perte. La deuxième chose est qu'il placera dans leur cœur la peur de leurs ennemis, en raison de leur faiblesse. Alors que s'ils avaient secouru la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les aurait raffermis. La troisième chose est qu'il fera descendre sur eux la pauvreté et l'indigence. Il les éprouvera par cela. La quatrième est qu'il fera dominer sur eux, c'est-à-dire qu'il donnera le pouvoir aux tyrans parmi eux qui leur infligeront les pires des souffrances, à titre de châtiment pour leur négligence de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cinquième chose qui est mentionnée dans la parole de Hudhayfa radiallahu anhu, c'est qu'ils seront éprouvés par toutes sortes de difficultés, les unes après les autres. La première ne sera pas terminée sans que ne vienne une deuxième, encore plus difficile, plus affligeante, et ainsi de suite, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc vous voyez que ce récit, il nous explique les causes des troubles et des épreuves par lesquelles est touchée la communauté. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'affilient à la science ne sont que des ignorants. Ils s'assimilent aux savants mais n'en font pas partie. Beaucoup d'adorateurs sont éprouvés par l'amour de ce bas monde et le suivi des passions. Et ceux qui se consacrent à l'adoration bien souvent s'y consacrent avec ignorance, en s'opposant à ce qui est légiféré. Et ceux qui sont respectés et révérés au sein de la communauté, ceux que tout le monde connaît, ceux qui sont présentés à la jeunesse musulmane et aux enfants comme étant des exemples et des modèles à suivre, ce sont les gens les plus pervers, les plus corrompus, les chanteurs, les footballeurs, les acteurs et ainsi de suite parmi ces pseudo-célébrités qui pour la plupart ne sont que des gens pervers ou Allah al-Musta'an. Donc si telle est notre situation, qu'attendons-nous d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui secourent sa religion sont méprisés et avilis, et que ceux qui sont respectés et honorés, ce sont les gens qui sèment la corruption sur terre. Pensez-vous que nous allons obtenir le secours dans cette situation? Il ne fait aucun doute que nous sommes plutôt en danger, et qu'il nous incombe de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous repentir de revoir nos priorités et d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nos manquements et nos péchés. Ensuite, Sufyan rahimahullah ta'ala a fait le rappel de la mort et il a dit: فليكن الموت من شأنك ومن بالك. Et fais en sorte d'avoir toujours la mort en tête, c'est-à-dire de toujours penser à la mort, de ne pas l'oublier, de te rappeler que tu n'es que de passage sur terre. وأقل الأمل. Et diminue ton espoir, c'est-à-dire ne pense pas que tu vas vivre longtemps. Rappelle-toi qu'il se peut que ton terme arrive très rapidement. وأكثر ذكر الموت. Et multiplie le rappel de la mort. فَإِنَّكَ إِذَا أَكْثَرْتَ ذِكْرَ الْمَوْتِ هَانَ عَلَيْكَ أَمْرُ دُنْيَاكَ. Car si tu multiplies le rappel de la mort, tu ne seras plus tourmenté par tes affaires mondaines. Quelle que soit l'épreuve que tu subiras dans ce bas monde, si tu te rappelles de la mort, tu ne seras pas tourmenté par cela. Car tu sais que cette difficulté n'est qu'une difficulté passagère et qu'elle aura inévitablement une fin. Donc ceci va t'aider à patienter. Ensuite il dit, rahimahullah, « Qala Umar, radiyallahu anhu, akthiru dhikra al-maut, multipliez le rappel de la mort, fa innakum in dhakartumuhu fi kathirin, qallalah. » Si vous vous rappelez de la mort, alors que vous êtes dans l'aisance, que vous avez été comblé de nombreux biens, que vous êtes dans l'abondance, ceci diminuera la valeur de ces choses à vos yeux. وَإِنْ ذَكَرْتُمُوهُ فِي قَلِيلٍ كَثَّرَهُ. Et si vous vous rappelez de la mort alors que vous êtes dans la difficulté, dans l'indigence, dans la pauvreté, alors ce que vous possédez grandira à vos yeux, car vous saurez que cette difficulté est une difficulté passagère. Donc lorsque l'homme se rappelle de la mort, ceci l'aide à se maintenir sur le chemin de la droiture. S'il est dans l'aisance, qu'il est dans l'abondance, qu'il possède beaucoup de richesses, il aura conscience que ses richesses n'ont aucune valeur en réalité, car il va s'en séparer au moment de sa mort. Et il saura avec certitude que ses richesses ne peuvent lui être profitables que s'il les dépense pour obtenir la satisfaction de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc il va mépriser ses richesses, il va mépriser ses biens mondains. Il ne va pas être tenté par ceci, mais il va plutôt chercher dans ce bas monde à prendre ses provisions pour l'au-delà. Car il sait que ses richesses, il ne va pas les emporter avec lui, sauf s'il les dépense sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, celui qui est dans la difficulté, celui qui est dans l'indigence, dans la pauvreté, qui n'a pas forcément de quoi se nourrir convenablement ou se vêtir convenablement, s'il se rappelle de la mort, il verra que ce qu'il possède est déjà immense. Et il saura que ce ne sont que quelques jours à patienter puis il mourra, et qu'il ne lui sera d'aucun tort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas avoir possédé les richesses de ce bas monde tant que ses actions sont bonnes et qu'il a été bienfaisant ici-bas. Donc il fait partie des plus grands bienfaits du rappel de la mort que cela te facilite la patience lors des difficultés. Quelle que soit l'épreuve, la maladie, la difficulté, la souffrance par laquelle tu es touché, rappelle-toi que tu vas mourir et que cette difficulté n'est que temporaire. On rapporte que Mubarak ibn Saïd, le frère de Sofiane al-Thawri, rahimahullah, il a écrit à ce dernier, il a écrit à son frère Sofiane pour se plaindre de la perte de sa vue. Il était devenu aveugle. Alors Sofiane, rahimahullah, lui écrivit en réponse: « Ta lettre m'est parvenue et tu multiplies tes plaintes. Rappelle-toi de la mort et tu ne seras plus tourmenté par la perte de ta vue. » Allahu Akbar. Rappelle-toi de la mort. Tu as perdu la vue, mais tu es encore vivant, tu peux œuvrer, tu peux te rapprocher d'Allah. Donc le rappel de la mort, c'est une des meilleures choses qui va te permettre de réformer ton cœur et de patienter face aux difficultés et aux épreuves. Mais si tu ne te rappelles pas de la mort, que tu as de longs espoirs, que tu penses que tu seras éternellement sur terre, alors ton cœur sera corrompu. Et l'oubli de la mort et le fait d'avoir de longs espoirs font partie des pires choses qui vont corrompre le cœur du serviteur. Donc si tu veux purifier ton cœur, si tu veux la réforme de ton cœur, si tu veux que ton cœur s'adoucisse, rappelle-toi sans cesse de la mort, car il n'y a rien de mieux pour le réformer. Et si ton cœur est réformé et adouci, alors tes œuvres suivront, incha'Allah ta'ala. Car comme on l'a vu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Si le cœur est bon, c'est tout le corps qui sera bon. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à réformer nos cœurs et de les adoucir et de nous aider à réformer nos œuvres afin qu'elles soient sincères pour lui et conformes à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Sofiane, rahimahullahu ta'ala, a mentionné une parole de Omar, radiyallahu anhu, il a dit « وَقَالَ عُمَرْ وَعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ حَانَ لِلْرَجُلْ يَشْتَهِ الْمَوْتِ » Omar, radiyallahu anhu, a dit « Et sachez qu'il est venu le moment pour l'homme de désirer la mort. » Omar, radiyallahu anhu, il dit cette parole à son époque, qu'il est venu le moment pour l'homme d'espérer et de désirer la mort, en raison de ce qu'il voyait comme corruption. Et ce car l'homme vertueux, sa réjouissance et sa sérénité ne se trouvent que dans le fait de voir ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il espère le bien pour sa personne et pour les gens, en restant dans ce bas monde, alors il se réjouit. Mais si la situation est corrompue, que la religion est faible, que les désirs et les passions prennent le dessus, alors la crainte de l'homme vertueux est de se voir tenté dans sa religion et de se voir s'égarer. Donc son souhait est de quitter ce bas monde en étant pleinement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette parole de Omar, radiyallahu anhu, elle doit bien être comprise. Et elle concerne celui qui craint de s'égarer avant de mourir. Mais celui qui est éprouvé par des difficultés ou des épreuves, alors il lui est interdit d'espérer la mort comme cela est venu dans de nombreux hadiths. Et il faut savoir que la base est que pour le croyant, tant qu'il œuvre pieusement, la vie est pour lui meilleure que la mort. Il ne fait aucun doute qu'un simple instant que tu vis dans ce bas monde, en te rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en te repentant à lui, en implorant son pardon, en priant, en jeûnant, en faisant des aumônes, il est meilleur pour toi ce moment que le fait de quitter ce bas monde. Dans un hadith authentique, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que deux hommes sont entrés en islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier est tombé en martyr et le second est mort un an après. Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu a alors vu en songe le paradis et il a vu dans ce rêve que celui qui était mort un an après avait été introduit au paradis avant le martyr. Et il a été surpris de cela. Il s'est donc rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a raconté son rêve. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'a-t-il pas jeûné après lui le mois de Ramadan ? Et n'a-t-il pas prié 6000 unités ou tant et tant d'unités » c'est-à-dire la prière d'une année. Donc ceci nous prouve que pour le croyant qui œuvre pieusement, la longue vie est meilleure que la mort. Et cela est venu très clairement dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel un homme est venu à lui et lui a dit « Qui est le meilleur des gens ?» Il répondit « Celui dont la vie est longue alors que ses œuvres sont bonnes. » Celui dont la vie est longue alors que ses œuvres sont bonnes. C'est le meilleur des gens, le meilleur des hommes. Il lui dit ensuite « Et qui est le plus mauvais des hommes ?» Il dit « Celui dont la vie est longue et ses œuvres sont mauvaises. » Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. C'est pour cela, entre autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de souhaiter la mort. Car la mort, elle prive le croyant de la multiplication des œuvres de bien. Elle le prive de l'occasion de se repentir de ses péchés et de se corriger. L'imam muslim rahimahullahu ta'ala rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre vous n'espère la mort, ni n'invoque pour qu'elle ne lui vienne avant qu'elle n'arrive. Car lorsque l'un d'entre vous meurt, ses œuvres s'interrompent et la vie du croyant n'est qu'un ajout de bien. La vie du croyant n'est qu'un ajout de bien. Plus il vit, plus il accomplit d'œuvres pieuses, incha'Allah ta'ala. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que nul d'entre vous n'espère la mort. Soit il est bienfaisant et il se peut qu'il augmente en bienfaisance, soit il est malfaisant et il se peut qu'il se corrige, c'est-à-dire qu'il délaisse sa malfaisance, qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala, se repente et implore son pardon. Donc le fait de rester en vie est meilleur pour lui. Car il augmente en bienfaisance et cela est une occasion pour lui de se corriger et de se repentir. Donc les gens de science ont dit que l'effet d'espérer la mort se divise en deux jugements. Il y a une forme d'espérance qui est interdite et une forme d'espérance qui est permise et légiférée. La forme interdite, c'est d'espérer la mort en raison d'une difficulté que tu subis dans ce bas monde. La personne est dans la pauvreté, dans la maladie ou autre, alors elle espère la mort. Ceci est interdit. Et la deuxième catégorie, c'est le fait d'espérer la mort par peur d'être éprouvé dans sa religion, ou alors par désir de tomber en martyr sur le sentier d'Allah. Et ceci est permis et légiféré. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent d'après Anas, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que nul d'entre vous n'espère la mort en raison d'une nuisance qu'il a atteint. En raison d'une nuisance qu'il a atteint. Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire de ce hadith qu'un groupe de salaf a interprété ce hadith, cette nuisance, par la nuisance mondaine. Que nul d'entre vous n'espère la mort en raison d'une nuisance qu'il a atteint, c'est-à-dire une nuisance mondaine. Une maladie, la pauvreté, la perte d'un proche ou autre chose semblable. Mais si la nuisance concerne l'au-delà, et qu'il craint d'être tenté dans sa religion, alors ceci n'entre pas sous cette interdiction. Il y a donc deux situations dans lesquelles il est légiféré d'espérer la mort. La première, c'est lorsque la personne craint d'être éprouvée dans sa religion. La preuve de la légitimité de cela est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait dans l'une de ses invocations, en s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu veux éprouver tes serviteurs, alors, reprends-moi vers toi sans que je sois éprouvé. Les gens de science ont dit que ceci démontre la permission de souhaiter la mort par crainte d'être éprouvé dans sa religion. Car la mort dans cette situation est un bien pour le croyant. Cela le préserve des troubles et des tentations. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux choses que déteste l'enfant d'Adam. La mort, alors que la mort est meilleur pour le croyant que la tentation. La mort, elle est meilleure pour lui que la tentation. Et le manque d'argent, alors que le manque d'argent diminue ses comptes. C'est-à-dire que moins la personne a d'argent, moins elle aura de comptes à rendre. La deuxième situation dans laquelle il est permis et légitime d'espérer la mort, c'est pour obtenir le martyre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les imams al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'aurais aimé être tué sur le sentier d'Allah, puis revivre, puis être tué, puis revivre, puis être tué. Et ceci nous montre le mérite de la mort sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande le martyre en étant véridique, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera atteindre le rang des martyrs même s'il meurt sur son lit. Donc ces deux situations sont des situations dans lesquelles il est permis d'espérer la mort. Quant au fait d'espérer la mort suite à des difficultés mondaines, lorsque la personne est malade, lorsque la personne est éprouvée par la pauvreté ou la perte d'un proche ou autre chose semblable, ceci est interdit. Car le fait d'espérer la mort dans cette situation est une manière de s'indigner du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en sachant que tu ne sais pas si la mort est réellement un bien pour toi. Il se peut qu'une personne souhaite la mort pour être libérée d'une épreuve en raison de sa difficulté, alors que ce qu'il attend après la mort est encore plus difficile que ce qu'il vit dans ce bas monde. Il ne sait pas. D'ailleurs, il est rapporté d'après Aïcha radiallahu anha qu'on a un jour dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une telle est morte, elle a trouvé le repos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors été pris de colère. Et il a dit, ne trouvera le repos que celui à qui on a pardonné. C'est celui-là qui trouvera le repos après la mort. Quant à celui qui n'est pas pardonné, il se peut qu'il soit châtié d'un dur châtiment. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous accorder la meilleure des fins. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit, et beaucoup de vertueux espéraient la mort lorsqu'ils étaient en bonne santé. Et lorsqu'elle est descendue sur eux, ils l'ont réprouvée en raison de sa difficulté. Et parmi eux, Abu Darda et Sofiane Thaouri. Alors que dire d'autre qu'eux? Que dire d'autre que Abu Darda, qui est un compagnon, radiyallahu anhu, et Sofiane al-Thawri, rahimahullah, qui est un imam parmi les imams des musulmans. Donc c'est de cette manière qu'il nous incombe de comprendre cette parole de Omar, radiyallahu anhu, qui nous a été mentionnée ici par Sofiane, qui est le fait que la personne qui est vertueuse, qui est sur le bien et la piété, il est légitime pour elle d'espérer la mort si elle ne voit autour d'elle que la corruption et les péchés, et qu'elle craint d'être tentée et de dévier de sa religion. Enfin, l'imam Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, a conclu cette lettre en disant « A'adanallahu wa iyyak min al-mahalik wa salaka bina wa bik sabil at-ta'a. Qu'Allah nous protège ainsi que toi des voies de la perdition et qu'il nous fasse emprunter ainsi qu'à toi la voie de l'obéissance. » Ceci est d'une grande importance. De toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer, et de lui demander de nous préserver des voies de la perdition, de nous préserver des péchés, de nous préserver des innovations, de nous préserver du polythéisme majeur ou mineur, et d'avoir conscience que nous avons besoin de son aide afin d'emprunter la voie de l'obéissance, car nous ne pouvons l'adorer sans son aide, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que se termine la lecture et l'explication de cette exhortation immense écrite par cet imam Sofiane al-Thawri rahimahullah ta'ala, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a lu et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.